Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Sportif, mais à la demande générale, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient avoir le mini-pot avec Serge Lemince et Claudine Deauville. Et c'était une institution pour RDS il y a quelques années. On en parle avec une des animatrices, Claudine Deauville. Bon midi, Claudine. Bonjour. Claudine, parlez-moi du mini-pot à RDS. Êtes-vous surpris que les gens redemandaient le mini-pot? Ben, je pense que tout le monde ressent un petit peu de nostalgie ces jours-ci. Et puis le mini-pot est entré là-dedans. C'est une émission qui est très, si on peut utiliser l'expression vintage. Mais ça a eu tellement de succès à l'époque que je pense que pour beaucoup de gens, ça rappelle des beaux souvenirs. Et je pense qu'on joue un peu sur cette ligne émotionnelle, si on peut dire. Est-ce que Serge Lemince, parce que les gens, moi je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec Serge Lemince, puis il mentionnait qu'à tous les jours, il y avait des gens qui parlaient de son birthday, puis de la manière qu'il décrivait le mini-pot. Certainement que ça allait aider beaucoup à populariser le mini-pot. Serge prenait ça vraiment à cœur, là. Ah oui, ça c'est certain, parce que qui est pas allé sur un terrain de golf, là, quand je parle d'un terrain de golf, pas de mini-pot, de golf, 18 trous, et a pas entendu quelque part dans son parcours birdie, quelqu'un qui criait le birdie à la manière de Serge Lemince. Il a fait vraiment époque avec sa façon de décrire, et Serge avait choisi cet angle-là. Je me souviens qu'il disait, si on fait quelque chose, c'est à toi de choisir la couleur que tu veux lui donner. Lui, il avait décidé de s'investir totalement dans le mini-pot. De toute façon, moi, j'ai travaillé sur d'autres projets avec Serge, notamment avec le football collégial, avec d'autres sports. Et avec Serge Lemince, il n'y a jamais de demi-mesure. C'est un être très entier, et quand il se dédie à quelque chose, il en fait sa cause. Et il porte ça à bout de bras. C'est un peu ce qu'il a fait avec le mini-pot. Et je pense que le grand succès que ces émissions-là ont connu, c'est en grande partie grâce à lui. Des gars comme Carl Carmoni, Jocelyn Martel se sont rendus célèbres également grâce au mini-pot présenté RDS. Ah ben, c'est ça. Ça a fait des vedettes, le mini-pot aussi, ouais. À RDS. Là. C'est ça. Je pense que Carl Carmoni revit cette semaine c'est son heure de gloire. Oui, Jocelyn Martel également. Dites-moi, est-ce que le concept, c'était à peu près dans tous les mini-pots de la région de Montréal que les émissions ont enregistré, où il y avait vraiment un secteur, un terrain, puis c'est là que ça se passait, tout le temps ça se passait? Ben, pour les tournages, je me souviens que dans le temps de TVSQ, on était, parce que le mini-pot a commencé à TVSQ, qui était la télévision des sports au Québec avant RDS. On était surtout à un endroit. Il y a du repérage qui se faisait là, les positions de caméra étaient connues, l'échafaudage, il y avait comme une espèce de routine, là, c'était au mini-pot Jean Talon à côté du salon de quilles. Et après ça, je sais que lorsqu'on était à RDS, on s'est promené un petit peu plus, mais on changeait pas nécessairement tout le temps d'endroit. Il y avait quelques centres là qui étaient favorisés, parce que c'est toujours, tu sais, en télé, il y a toujours une question de repérage aussi, d'aller voir, puis quand on connaît un site, quand on sait comment câbler l'endroit, comment mettre les caméras, ben on reste là. Ouais, effectivement. Dites-moi, est-ce que puis ça, on se rappelle de ça, de RDS à l'époque, en 91, la RDS arrivée en 89, et c'était pour meubler un peu la grille horaire aussi à l'époque aussi. Ben, c'était oui, possiblement on peut voir ça comme ça. Effectivement, il fallait trouver des émissions produites ici, originales. Mais c'est des émissions qui avaient leur public et qui... je me souviens que les Padres de San Diego, oui, lorsqu'ils étaient venus en visite à Montréal, ils demandaient de voir le mini-pot dans le vestiaire. Là. Ben oui, il n'y a pas un dénommé aussi, John Schmoltz, à l'époque aussi, qui avait demandé le mini-pot aussi? J'ai pas compris. John Schmoltz, qui? Les Braves d'Atlanta, qui demandait de voir le mini-pot aussi. Oui, tout à fait. OK. Donc, alors, c'était vraiment un phénomène, le mini-pot. En terminant, Mme Douville, comment vous trouvez ça, évidemment? Ça doit être très, très difficile pour les réseaux de sport actuellement. C'est une période différente, on va dire comme ça, effectivement, parce que là, on ressort, ça permet de remettre en lumière certaines émissions. Nous, on a décidé, du côté soccer, de représenter toutes les finales de la Coupe du Monde depuis 90. Il y en a certaines qu'on a déjà, qui sont intactes, qu'on n'a pas à refaire, mais j'en refais plusieurs là, de ce temps-ci. Alors, ça fait très drôle de faire un match de 1990 avec Maradona, puis 94, ces finales-là qui sont vintage, qui sont avant l'époque HD aussi. L'image est un petit peu plus floue. Mais c'est super intéressant de revoir toutes ces finales-là. Alors, on essaie de trouver des angles. On fait des Facebook Live. Toutes les émissions se font via Skype ou des trucs comme ça pour essayer de... Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'actualité à commenter parce que là, l'actualité sportive, il n'y en a pas présentement. Ça revient, là. On sait que la Bundesliga, la Ligue de soccer d'Allemagne recommence dans une couple de semaines, c'est ça. L'UFC en fin de semaine, ça va nous aider aussi. Donc, exactement. On voit des dates un peu. La Première Ligue, c'est bientôt aussi, je pense, en Angleterre, qu'on a annoncé que ça allait revenir. Je sais que l'Italie parlait de revenir aussi. L'Angleterre, probablement que si ces grands championnats-là commencent, les autres, j'imagine, vont avoir tendance à suivre. Maintenant, ça va se faire comment? Il y en a plusieurs. Là, si on parle de faire ça à huis clos, là, ça sera sans spectateurs. Il y a toute une question. Est-ce que la MLS pourrait être en danger? Parce que la MLS vit beaucoup avec les revenus les revenus à la billetterie, là. La MLS, là, ils sont pas à la veille de recommencer encore parce que là, ils ont permis l'entraînement individuel des joueurs qui peuvent utiliser les stades, mais le protocole est extrêmement lourd. Alors, avant qu'on réussisse à avoir des entraînements de groupe, des vrais entraînements de groupe, là, je sais pas trop comment ça va fonctionner. C'est sûr que là, il y a des grosses décisions à prendre. Les ligues n'osent pas trop s'aventurer. Tout le monde est à tâtons dans cette histoire-là. Mais je lisais là, cette semaine que la Ligue de hockey junior majeur attend même janvier 2021 pour décider si la saison 2020-2021 va être tenue. Je parle même de possiblement annuler, non pas cette saison-ci là, qui est finie en queue de poisson, mais la prochaine aussi. Madame Douville, très intéressant de parler du mini-pot et au plaisir de se parler. Ça a été un plaisir. Claudine Douville du Réseau des Sports.